Dans l'ombre des rues, je rage bien la nuit. Un héros en carton, des légendes d'autrui. Je vois des complots, de complots sous chaque pierre. Si je tombe par terre, c'est la faute à Saint-Pierre. Je suis un conspi, je m'invente une vie. Tout puissant, il est né vite les jupes de mamie. Mamie. Derrière chaque buisson, un agent juif m'espionne. Chaque téléphone cache une oreille qui résonne. Mes murs ont des oreilles, mes chars, des caméras. Je vois des signes dans chaque numéro d'ici bas. La lune est un hologramme, la terre est forte. Plate mes délires en série, que la vérité éclate. Je suis sous calmant, je suis sous Prozac. Plutôt Iglesi que Brasillac. Ma seule distraction du jour est d'inventer des maçons de 33e degré qui empoisonnent mon eau. Et même les nuages et même ma grosse taronne. Obsession paranoïaque, bloquée à quatre tours dans ma tour d'en haut. Dénuée de couronne et de testostérone. Je suis un conspi, je m'invente une vie. Puissant Hélène, vite les jupes de mamie. Mamie. Je suis sous calmant, je suis sous Prozac. Plutôt Iglesi que Brasillac. Dans le silence de ma chambre, les théories de vérité. Sur internet, je navigue nuit et jour, je divague. Des secrets cachés, des vérités bien masquées. Je partage sur tous mes réseaux ma bonne blague. Oh, oh, oh. Je vois tout, je sais tout derrière mon écran de fumée. Les complots fleurissent et moi je m'en délecte pour de vrai. Des vérités si étranges que même la fiction s'incline. Toujours sous mon chapeau d'aluminium, bien à la vie. Je suis conspi, je m'ennuie. Je fuis et m'isole ici. Ainsi je m'invente une vie. Car tout puissant est l'ennemi. Fuyons les avis. Puis dans les chutes de ma vie, je m'y réfugie.